Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, dans notre poste d'écoute, il va y avoir pas mal de francophones. Je dirais qu'au moins la moitié de l'émission va être francophone. Plus tard, on va entendre Allo Nino, qui est un hommage à Nino Ferré. On va aussi avoir Erwan avec En Interaction. Mais on commence avec une formation que j'ai déjà entendue. On a déjà joué ça, c'est fou un peu. Et j'ai bien aimé dans le temps. Donc on va les réentendre avec un tout nouvel album. Voici 354 Barry avec la pièce Le Rebelle du ghetto de Brossard dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça! petit Chris de Waal. J'ai une sorcière dans la litière, pis une grotte folle dans mon sous-sol. Y'a des gros rats dans le débarras, pis une grosse chapeau dans le couloir. J'ai un voyant pour faire ta jeune, un tueur à gage fait mon ménage. J'm'en vais un jour déménager, mais mon petit bain je l'ai signé. Parce qu'il y a des monstres dans mon garage, je me mets plus jouer dans mon char. Y'a des monstres dans mon garage, parce que mon dos j'ai crise de wow, wow, wow, wow. C'est fou dans vos oreilles. .54 Barry avec la pièce Le Jeu, précédé de Des Monstres dans le Garage. On a débuté avec Le Rebelle du Ghetto de Brossard, c'est de leur nouvel album du même nom. On regarde sur leur MySpace pour apprendre que c'est une formation de punk psychobilly. Ils viennent de Montréal, ils sont ce soir même le 24 avril, c'est vous direct le vendredi au Fan Club. C'est à 21h et ça c'est dans quelle ville? C'est à Sainte-Thérèse. Voilà. Et puis ensuite ils vont être le 19 juin prochain à l'hémisphère gauche de Montréal. Sinon, sur le MySpace, encore une fois, MySpace.com, barbic 3 le, en lettres 50, en lettres 4, en lettres et Barry. C'était très très long comme adresse. Vous allez en apprendre plus sur eux. Étape 1, regardez la vidéo sur YouTube. Étape 2, écoutez le disque en vente chez L'Oblique à Montréal et X20 aussi à Montréal. Étape 3, apprendre au 8e degré, au cas, on ne sait jamais, tu sais, des caves qui comprennent pas, il y en a encore. Hein, c'est ce que ça dit. Étape 4, fais donc qu'est-ce que tu veux et moi, je veux pas me mêler de tes affaires. Voilà. Étape 5. Hey, j'ai de la misère avec MySpace, ça n'a pas l'allure de la vitesse. En tout cas, ce groupe légendaire des bas-fonds montréalais est né d'une façon peu commune. En effet, ce groupe est le fruit d'une expérience archéologique et sociologique. Cinq hommes des cavernes ont été décongelés, rasés, enfermés dans un local avec des guitares, un drum et un micro pour le plus féroce. et une télévision pour leur éducation. Après un an dans le local, voilà ce que ça donne. Du gros rock sale garage punk en français et des paroles méchantes et bêtes sur la maudite société. Allez voir encore une fois myspace.com/. Et là, ça c'est tout en lettres. 354 Barry pour savoir plus sur cette formation. On continue avec une autre formation avec un nom que je sais pas comment prononcer parce que je suis inculte. Je prononce tout mal. Tout le monde me le dit, tu sais. Nino Ferrer, c'est pas Nino Ferrer, c'est Nino Ferrer. Voilà. Et c'est 354 Barry, si je comprends bien. Et j'espère que c'est Erewhon. Avec leur album En Ataraxie, ça faisait longtemps qu'on en entendait parler. Ils ont été en première partie de plusieurs groupes qui jouent assez fou. Bref, j'ai entendu ce nom-là souvent. On y va avec la pièce titre. Voici Ataraxie de Erewhon tout de suite. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et moi, je découvre bien des affaires que je connais pas. Je connais rien. Et... c'est mon erreur. Tic-tac,

Erwan avec On se divise par zéro de leur maxi en Ataraxie. C'est peut-être un album, finalement. Il y a quand même pas mal de pièces. Mais... Avant ça, c'était L'Alchimiste et Ataraxie. C'était la première pièce qu'on a entendue. La pièce titre, c'est en vente dès maintenant. C'est l'expérimental French Pop selon leur MySpace au myspace.com/Erwan Music. E-R-E-W-H-O-N Music en anglais. Ils vont être en spectacle à Trois-Rivières ici même le 16 mai à 20h. C'est au Charlot avec Makin Kozapo qui est passé par nos palmarès. Donc, ça devrait être pas mal bon, ça. Sinon, avant, ils vont être le 9 mai à Montréal, puis ils sont à Québec, puis... Il revient à Montréal, puis il retourne à Québec, puis va et vient comme ça. Les membres sont Benoît Filly à la voix, texte, guitare et synthétiseur, Charles Blondeau à la batterie, voix, séquence, Mathieu Édouard à la basse et voix, Philippe Paquin, piano, synthétiseur et William Phoenix hors spectacle au Lap Steel. myspace.com/R1Music. Achetez le mini-album. Ah, ils appellent ça un mini-album, donc ça confirme que c'est pas mal un maxi. Hein. En ligne dès maintenant sur bluetracks.com/R1. Il y a une petite biographie sur leur site. C'est un groupe de musique montréalais aux tendances alternatives et progressives. Leur nom, tiré du roman utopique Erwan de Samuel Butler, représente très bien l'univers musical du groupe, disent-ils. Depuis plus de 2 ans, les 4 membres du groupe travaillent ensemble à composer des pièces à la fois planantes, oui, et délirantes, le tout en français. Ils ont autoproduit leur premier mini-album, paru au printemps. Avec quelques années d'expérience en plus d'une 40aine de concerts un peu partout au Québec avec des groupes antérieurs, Erwan saura vous surprendre par son univers unique. Passager clandestin, bienvenue à bord. C'est Erwan avec En Ataraxie. On reste du côté francophone pour aller entendre Allô Nino. Et c'est un hommage à Nino Ferrer. Hein, Ferrer? Peut-être que je veux dire Nino. Nino Ferrer. D'accord. Là-dessus, il y a plein d'artistes qu'on joue assez fous. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais tous vous les nommer, tiens. Pourquoi pas, à partir de la fin. Geneviève Jodoin, Iris Talbi, ça, je connais pas. Monsieur Mono, je connais. Sophie Baudet, non. Martin Léon, Alexandre Désilet, Mara Tremblay, bien sûr. Baptiste, Catherine Major. On va entendre les 3 premières parce que c'est les artistes qu'on connaît le plus. Assez fou, selon moi. On va entendre Marie-Pierre Arthur, tantôt, qui est sur notre palmarès en ce moment même avec Pourquoi. Il va y avoir Damien Robitaille qui a fait un malheur dans nos palmarès il y a de cela quelques années. Donc, on commence avec Isabelle Blais de Caïman Fou. Voici le classique, le téléphone. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. Gaston

Pierre Arthur et la maison près de la fontaine de Nino Ferrer. Ça va être de l'album hommage à Nino Ferrer. L'album s'appelle Allô Nino. Sur Wikipédia, on apprend que son vrai nom est Nino Agostino Arturo Maria Ferrari, un chanteur, auteur et compositeur français d'origine française et italienne. On va faire un petit résumé de ce qu'il a joué comme trois pièces depuis le début du bloc. On a commencé avec Isabelle Blais de Caïman Fou qui chantait son classique à Nino Ferrer, Le téléphone. Caïmonfou.com est toujours le site web. Ils vont passer à Trois-Rivières le 12 mai prochain pour le 40e anniversaire du cégep de Trois-Rivières. C'est vrai. Et leur album le plus récent s'appelle Drôle d'animal. Ensuite, on a entendu Damien Robitaille avec Ho Hey Hey Bon. DamienRobitaille.com est son site web et son album s'appelle toujours L'homme qui me ressemble et c'est toujours aussi bon. J'adore ce que Damien Robitaille fait et on devrait en jouer plus souvent. C'est fou. Ça va être une mission pour moi. Très important. Et puis, on a terminé avec Marie-Pierre Arthur, La maison près de la fontaine. Marie-Pierre a un album qui s'appelle aussi Marie-Pierre Arthur. Il me semble. Oui. Et puis, elle, ben, est en tournée en ce moment. Elle est amie avec Carquois. Et ils font de la musique très, très bonne, ces deux groupes-là. Marie-Pierre et Carquois. Bref, MariePierreArthur.com. Pierre écrit avec RRE. Voilà. On est toujours dans la portion francophone du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Et là, on s'en va entendre un simple de la formation Les Incendiaires. J'ai déjà entendu cette musique qu'il a à l'émission de mon ami Kiwan, La dernière porte à gauche. On va l'entendre, la pièce La menace digitale. C'est ce qu'on a reçu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça sur l'album, sur le CD, sur le micro-sillon, si on veut. Donc, les voici, Les Incendiaires dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. La menace digitale de la formation Les Incendiaires dans le poste d'écoute. Oui, Les Incendiaires qui ont un album en ce moment complet, mais qu'on n'a pas encore reçu. C'est fou, ça, c'était seulement un simple. Leur album s'appelle Mono No Aware. Et vous pouvez vous le procurer sur PayPal pour pas trop cher. Allez voir myspace.com/Les Incendiaires, c'est leur site. Les membres du groupe Rudy, Frédéric, Bruno, Maxime et Charles David. Ils sont en spectacle jeudi prochain, le 30 avril à 20h au Il Moteur de Montréal. Et puis sinon, ben c'est très bon. J'ai bien aimé. On a hâte d'entendre l'album au complet. Un jour, peut-être. On passe à Lila Dissa, qui est une formation de Montréal, une formation rock indie. Et on va les entendre tout de suite avec leur nouveau maxi. Hein, pourquoi pas un maxi avec des drôles de fautes d'orthographe. Mais bref, dans le poste des couteaux 89 FM, c'est l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. J'ai soumis ma candidature. Je passe à la sphère. Rira que tu ris pour rien. Avec le temps qui nous grossit, la porte rire est dressée. Avec le temps qui nous grossit, la porte rire. Sur mes paupières apparaissent des cernes de lumière. Avec le temps qui nous grossit, la porte rire est rétrécie. Avec le temps qui nous grossit, d'écoute. Let's have Lila Dissay, je suis Jane. Lisons un petit peu sur Lila Dissay pour terminer cette première heure. C'est un groupe rock indie de Montréal. Ils vont être au Divan Orange le 28 avril. Et c'est le 28 avril, ça donne à être mardi. Mardi, qui s'en vient à Montréal. La pièce Tennessee, si vous l'avez reconnue, hein, celle qu'on a jouée au tout début. Je crois qu'on a joué ça au tout début. En tout cas, il faudrait vérifier, mais bon. La pièce Tennessee a été diffusée dans l'épisode des Invincibles du 18 mars à Radio-Canada. C'est pour ça que vous les avez peut-être replacés. Frédéric Michaud à la voix, guitare, basse et clavier, ainsi que le mélodica. François Régis Pagé à la batterie et puis Mapo au clavier, mélodica. Et Laurence Kiffer, basse, et Ty Nguyen à la guitare. Waouh, c'est tout mal écrit, tout croche. Il y a plein de fautes dans leur petit CD, mais on s'en fout, c'est pas grave parce que c'est bon. Hein? C'est pas grave si vous faites des fautes, en tant que vous soyez bon. Sinon, je vais chialer un petit peu. MySpace.com/ Lila Dissa. Elle est là, des TCA. Vous passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Tout est là-dessus. Nous, on se quitte quelques instants à peine pour aller entendre les nouvelles si vous écoutez le vendredi. Si vous écoutez la rediffusion du samedi et la nouvelle rediffusion, il y a une nouvelle rediffusion maintenant pour le poste d'écoute. C'est le lundi à 15h. Ben, vous allez entendre plus de bonnes pièces de Lila Dissa. Et on se retrouve très bientôt dans le poste d'écoute de C'est fou au 89 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Restez là. ses habits noirs, sa sœur aussi noire que tout, des miens de retour après une absence de 300 000 années-lumière. Et ceux qui s'aiment, s'aimeront-ils encore plus fort dans le noir, avec ou sans lumière? Ne dis rien quand tu nous avales. Et c'est deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette deuxième heure comprend beaucoup de choses. Beaucoup, oui. Des albums comme The City par Luke Riles, By and By par The Western States. Il va y avoir Manon Lévesque. Je sais pas, j'ai des doutes là-dessus, mais bref, on en parlera tantôt avec Plus Fort que nous. Mais on commence avec Jerry Jackson, qui chante l'album en français Aux yeux du monde, mais monde au pluriel. Aux yeux du monde, j'imagine. On commence avec une pièce qui s'appelle Escogriffe serviteur dans le poste d'écoute de C'est fou au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Yeah. diplôme, t'as juste un valeur. T'as le front de la mort. Est-ce qu'au griffe, ça m'étonne? T'as le front de la si j'ai pas eu de téléphone, t'sais. Mais des fois, faut comme prendre un contrôle éditorial sur la musique puis dire, pas sûr que ça fait assez fou. Jerry Jackson avec Aux yeux du monde, ça c'est son album, puis la pièce qu'on entendait là, c'était Ici, c'est tellement mieux. Et avant, c'était Escogriffe Serviteur. J'ai pas trouvé de site web pour Jerry, mais allez voir lunechance.com, et puis s'il y en a un, ben, je le mettrai là-dessus. On va passer à un autre groupe francophone, une fille. Plus une fille. Manon Lévesque avec son album Plus fort que nous, ça non plus, je suis pas très très sûr. En regardant la pochette, on voit la fille qui fait une genre de position, qui regarde vers le ciel. L'album est Plus fort que nous, voici au fond de toi. Et on verra bien. 819-376-5183, ça fait des années que j'ai pas dit numéro de téléphone, mais si vous entendez quelque chose que vous aimez vraiment pas, 819-376-5183, le vendredi matin. Un jour on mise sur les autres, sur leurs paroles ou leur silence. On lance les dés de sa confiance. Ouais, le téléphone sonne en ce moment même, t'sais, fait que c'est pour ça que je le disais. Je m'attendais à ça. Même pas besoin de répondre, je sais ce que ça veut dire. C'était Manon Lévesque avec l'album Plus fort que nous et la pièce Au fond de toi. Elle, elle a un site web, je vais vous le dire quand même si ça vous intéresse. C'est au www.manonlévesque.com. On va y aller avec quelque chose que j'espère va être meilleur. J'espère vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. The Western States, c'est le nom de la formation. Voici leur album By and By et la pièce Time to Lose dans le poste d'écoute. Ah. C'était un beau 3-4 minutes qu'on vient de passer là. Bon, vraiment, gros succès. Darling, take me by the hand. Some things we can't understand. I had my bad times, but I never got to choose. But I got time to lose. I got time. Sleep down underground. I woke up in this Texas town. I spend my money just to leave those city blues, but I got time. Got time. They could, you know they would. Backslide. side, I'm on your side. We don't got nowhere to hide, and I'm on your Western States, c'est leur album By and By, la pièce Backsliders Wine Part 2, précédée de Fictional Divide. On a débuté avec Time to Lose. Moi, j'ai bien aimé dans le style, c'est pas mal bon ça. The Western States, du folk, country indie de Winnipeg au Manitoba. Très, très canadien, mais quand même. Leur album By and By sort le 5 mai prochain, donc on l'a reçu pas mal à l'avance. Allez voir thewesternstatesband.com ou encore myspace.com/thewestern. Westernstates. C'est un groupe qui s'est formé en 2002. Voilà. Non, c'est à peu près ça. Voilà. Je cherchais quelque chose. Hein, c'est le fun. The Western States, c'est By and By. On reste dans le canadien. La musique canadienne pour aller entendre Luke Riles avec son album The City. Mm-hmm. Et tout de suite, on commence avec Swing Low. Ça commence tout de suite dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89 FM. C'est fou! Ça! Ça revient dans le meilleur, je pense. On a passé le pire tantôt. I wish you'd swing low and spread me away. Slide the stone aside and find me where I lay. When the troubled world has trapped me fast inside its pain. Oh honey, will you spirit me away? Will you spirit me away? Take me in your arms, forgive me for my sin. 'Cause once you leave this place, you can't just walk back in. My whole world is ending the way you helped me to begin. Oh, will you forgive me for my sin? Chest. I can't fix it though, I swear I did my best. Will you turn the lamp down low and help me find some rest? twisted my back. I swear I did my best. Oh, I swear I did my best. Yeah, I swear I did my best. Oh, I swear I did my best. Yeah, I swear I did my best. Oh, I swear I did my best. Le boss, le boss, l'écoute. Wake up to your cautious eyes and the crimson red of your hair. And what I see is no surprise. Your heart has been cracked somewhere. And all those things we've told ourselves, and all of the secrets we've shared, have crumbled away beneath your heart and scared us with how much we care. Your room's just full of crystal light, but there's stark resolution in your stare. Your painful confusion is flat overnight, but the warmth in your kiss is still there. Yeah, the warmth in your kiss is still there. Darling, darling, hold me so tight. Lie to me, stay with me here. 'Cause an emptiness threatens and taunts me at night, with the pain that your kiss it can't repair. Darling, darling, hold me so tight. Lie to me, stay with me here. 'Cause an emptiness threatens and taunts me at night, with the pain that your kiss it can't repair. With the pain that your kiss can't repair. With the pain that your kiss it can't repair. C'est fou dans vos oreilles. Sur le net ou c'est fou.ca I wanna be who you see. I wanna be sure. I know there's more than I show, but bringing it home's about more than just words. Cette pièce-là était vraiment très, très canadienne. Hein? C'était vraiment typiquement canadienne-anglaise. Be the One par Luke Ryles, mais j'ai bien aimé quand même. Peut-être un petit peu moins cette pièce-là, mais les deux autres, c'était pas si mauvaise. The City et l'album, La Ville. Avant Be the One, il y avait Cautious Eyes et puis Swing Low a débuté ce bloc. Luke Ryles, qui est au myspace.com, avec Luke Ryles Music. Ryles, R-Y-L-L-S. Ça dit que c'est le chanteur de la formation de Fjords qui vit de Saskatoon, bon, depuis plusieurs années qu'il fait ça, et maintenant ben, il met son attention un petit peu plus sur sa carrière solo. Donc il a pris sa vieille guitare acoustique et il s'est arrangé un studio dans son vieux salon, et il a créé The City, qui est un album intense et intime, rempli de ballades qui vont vous hanter, que ça dit, de paysages grandioses et de chansons sur lesquelles vous allez chanter. Voilà, pour Luke Ryles, son album encore une fois s'appelle The City. On passe à Olenka and the Autumn Lovers avec leur album Papillonette. Très joli, très belle pochette avec des je sais pas, des couleurs. Je sais pas qu'est-ce que ça représente exactement, mais bref, il y a beaucoup de couleurs. C'est joli. C'est joli. Papillonette par Olenka and the Autumn Lovers, mais on commence avec la pièce Flash in the Pan tout de suite dans le poste d'écoute. Au 89.fm, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois. Vous, moi, les autres, tous ensemble. City. Non, c'est Olenka and the Autumn Lovers, j'aime pas ça. Je m'excuse, mais c'est pas mon genre. Peut-être que vous aimez ça, je vous respecte, mais on passe à autre chose. Voici A Parcel of Our Soul avec Snakes. Dans le poste d'écoute, et allez voir lunechance.com pour le lien vers Olenka and the Autumn Lovers. Allez-y, c'est correct. Mais tu sais, je vais pas m'endormir en studio non plus. À un moment donné. Reproductive parts. That's why a person can't be trusted. You say they're a snake. Who could trust a bitch that could literally go fuck herself? Drink, wait, and piss out acid. Cornflake, hit the floor. poste d'écoute. c'est fou. C'est malade. 89.1. Commissioned to make a war music that is a music that people will be not only willing but anxious to die to. At dawn, death came to the hut. The youth tried to face him and hurl a magic object. La formation torontoise Puzzle of Assault avec leur pièce Sign, pièce entre guillemets. Avant ça, c'était Soul Unwind, Easy Speaks et Snakes. J'ai beaucoup aimé Puzzle of Assault. L'album It's Darkness est disponible à partir du 19 mai. Beaucoup, beaucoup d'avance ici, assez fou là-dessus. Puzzleofassoul.com et leur site web, sinon myspace.com/puzzleofassoul. Assez difficile à appeler, donc passez par le site de l'émission si ça vous intéresse au www.unechance.com. Là-dessus, il y a la balado-diffusion de l'émission et tous les liens vers les artistes mentionnés et joués dans l'émission, même ceux qui ont été coupés. On passe de Puzzleofassoul à Pennon Bray, qui nous a envoyé un document de presse des plus farfelus, et je le lirai pas en ondes parce que c'est juste une mauvaise traduction Google, genre de l'anglais au français. Ce serait juste méchant de rire de lui pour ça à la radio. Pas dire qu'on l'a pas fait dans le bureau, mais quand même. Pen and Brew avec Shaded Joyce, c'est le nom de l'album. On s'en va entendre tout de suite la pièce Anyways dans le poste des Coteaux 89.fm. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Tannenbray avec la pièce Anyways de l'album Shaded Joy. C'est tout nouveau, on a reçu ça cette semaine, assez fou, pas mauvais. Rock pop acoustique de Vancouver en Colombie-Britannique, allez voir myspace.com/Tannenbray. P-E-N-N-A-N-B-R-A-E, trop dur à retenir, allez voir lunechance.com pour en savoir plus. Sinon, ben, c'est inspiré par la musique blues américaine. Robert Johnson, Muddy Waters, Johnny Hooker et plusieurs autres. Shaded Joy, c'est leur premier maxi. Voilà. Ben voilà. Tannenbray avec Shaded Joy. Rien à dire de plus là-dessus. Allez voir myspace.com/Tannenbray si ça vous le dit. Je me répète donc bien dans cette émission-là, ça n'a pas d'allure. Alors, on va se quitter avec la deuxième pièce, Have You Ever Been? Et puis, on va revenir avec une troisième heure et plein de bonne musique. Entre autres, dans la troisième heure, il faut rester avec nous parce qu'il va y avoir le nouvel album de Patrick Watson. J'adore Patrick Watson. Il fait du très, très bon matériel. On va voir ça. On va aussi avoir Years. C'est nouveau sur l'étiquette Arts and Crafts. Donc, ça pourrait être bon. Et Lassa aussi plus tard dans la troisième heure du poste d'écoute. Mais pour l'instant, une deuxième pièce de Tannenbray. Voici Have You Ever Been dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, on découvre toutes les nouveautés pour la première fois tous ensemble. C'est fou. Thank you. Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette troisième heure, il va y avoir Lemonade avec leur album homonyme. Il va y avoir aussi Gears. On va entendre Lassa. Et Lassa va avoir un lien avec le premier artiste qu'on s'en va entendre pour cette troisième heure, Patrick Watson, parce que c'est lui qui a fait la musique de Lassa. Jouer après l'autre formation. Bref, Patrick Watson, son nouvel album s'appelle Wooden Arms. J'ai très hâte d'entendre d'autres pièces. J'ai entendu Beijing déjà, qui a joué un petit peu assez fou, mais pour l'instant, voici Fireweed. Au 89.1 FM, c'est le poste d'écoute dans vos oreilles. Burns me a hole straight through all of my heart. passes like that I'm not sure belongs to me. There was the sound of a city that speaks to me. There was the sound of a city. Patrick Watson et son album Wooden Arms. On vient d'entendre la pièce Beijing, précédée de Tracy's Waters. On a débuté avec Fireweed. Ah, c'est toujours aussi excellent. Je n'avais pas réalisé encore que l'album Close to Paradise était sorti il y a aussi longtemps, en 2006. Wow! Hein? Incroyable. Donc, on l'écoute souvent ou régulièrement. On finit par oublier que ça fait longtemps qu'il est sorti. Patrick Watson de l'Alternative Electro Ambient, vous l'aurez remarqué, il est de Montréal. Oui, artiste, tout ce qu'il y a de plus provincial, local presque. Il est en spectacle le 27, ça se trouve à être lundi, le 27, oui, le 27, tout à fait. Ce soir, pour le nouveau jour de la rediffusion, on joue le lundi maintenant, malade. Donc ce soir à l'Impérial, 19h, ça c'est à Québec. Ensuite, il passe à Montréal le 29, ça c'est mercredi. Et le 30 aussi, les deux, c'est au cabaret La Tulipe, 19h30, Montréal. Ensuite, il s'en va à Toronto, il s'en va aux États-Unis, le New York, Californie, big time, là. Ensuite, il s'en va en Europe. C'est beau. Puis il revient à Sherbrooke, tu sais. Quand même, il revient à ses racines, des fois. PatrickWatson.net est son site web. Les membres du groupe Patrick Watson, c'est Patrick Watson, Simon Angle, ou Angel, Robbie Custer, ou Cooster, et Mishka Stein, ou Steen. Beaucoup de prononciations variables. MySpace.com/PatrickWatson, ou Patrick Watson. Son CD s'appelle Wooden Arms, et c'est génial. On reste dans quelque chose qui a rapport avec Patrick Watson, parce que je lisais dans la pochette de la formation Lassa que la musique a été écrite souvent, en tout cas sur plusieurs pièces, par Patrick Watson. Et je regarde, il y a beaucoup de pièces, en tout cas, on voit au moins deux. Et on va en faire jouer une de ceux-là tantôt. On va jouer Rising après avoir joué Is Anything Wrong de Lassa. tout de suite dans le poste d'écoute. Et Lhasa, je regardais sur leur site web, Lhasa de Sela, qui s'appelait avant, je sais pas s'il s'appelle encore comme ça, bref, c'était que juste Lhasa sur l'album. Mais Lhasa de Sela, tout de suite dans le poste d'écoute de C'est fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. a storm. Things were flying around. Doors were slamming and windows were breaking, and I couldn't hear what you were saying. I couldn't hear Came Here de Lassa. Ça vient de son nouvel album Lassa, c'est son troisième. Avant ça, c'était la pièce Rising avec la musique de Patrick Watson et on a débuté avec Is Anything Wrong? Lassa est une musicienne à part, dit-elle sur son site web lassadecella.com. Caméléon, tout en restant toujours elle-même, elle tisse avec sa voix un univers poétique unique porté par son charisme, son intégrité et, ses convictions. Elle n'enfreint pas les règles, elle les ignore. Loin du bruit et de la fureur de l'industrie moderne de la musique, loin des paillettes du show business, Lassa trouve tranquillement sa place et s'affirme petit à petit comme l'une des auteurs-compositrices les plus fascinantes de sa génération. Voilà, Lassa de Cella. Il faut aller voir le vidéoclip. Très, très beau vidéoclip au crayon de plomb pour la pièce Rising, celle avec Patrick Watson. Allez voir sur le lassadecella.com ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Les liens sont toujours là-dessus. C'est toujours extrêmement facile de s'y retrouver, bien divisé par heure. www.unechance.com. Allez-y maintenant. On reste dans le canadien pour aller entendre la formation Years qui est sur l'étiquette Arts and Crafts. On les connaît pour Stars et un paquet d'autres groupes vraiment bons. Donc souvent, il y a de bonnes choses sur Arts and Crafts. Leur album à Years s'appelle aussi Years. Et on commence avec Kid's Toy Love Affair dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou. Tout simplement. Thank you. La formation torontoise Years avec leur pièce Don't Let the... Non, pardon. Are You Unloved? Précédé de Don't Let the Blind Go Deaf. Oui, c'est ça. Et puis, on avait débuté avec Kid's Toy Love Affair. Excellent. Je crois que s'il n'y avait pas eu de Patrick Watson cette semaine, ça aurait probablement été mon poste d'or, comme on appelle. C'est de la musique, ils se disent, alternative expérimentale. Si on veut. Leur album est aussi nommé Years. Et leur site web est au yearsmusic.ca. Sinon, allez voir myspace.com/themusicofyears. Là-dessus, il y a de la musique à écouter, à télécharger même. Vous pouvez remplir un petit formulaire pour aller télécharger gratuitement Are You Unloved de la pièce qu'on vient tout juste d'entendre. C'est génial. Years, c'est sur Arts and Crafts, donc tout plein de beaux groupes sur cette étiquette. On va terminer l'émission avec une seule et unique pièce de Lemonade, qui est une formation qui est montréalaise. C'est du rock progressif pop, mini-album qui vient tout juste d'être envoyé à C'est Fou. C'est encore marqué en préparation sur leur MySpace, donc ça doit être très, très récent. myspace.com/LemonadeLeMonde ou encore LemonadeLeMonde.com. Là-dedans, il y a Gaël Gourville, Marc-Olivier Toupin, Mathieu Mondou, Jordan Leroux-Stewart et Simon Leroux-Stewart. Allez vous renseigner, allez voir quelques vidéos. Il y a un clip pour la pièce Magic Grass et pour certaines autres pièces, même Lemonade, je sais pas, ça m'intrigue. On va l'entendre et les gens qui écoutent les rediffusions vont entendre des pièces additionnelles. Vous allez entendre, entre autres, entendre Magic Grass. Nous, je dois vous dire qu'on se quitte pour cette semaine. On va se retrouver vendredi prochain à partir de 10h. La rediffusion change de place à partir de cette semaine. On entre dans la programmation d'été. Ça va être les lundis à partir de 15h. Donc les lundis soirs, 15h à 18h. Mais il nous reste une dernière rediffusion le samedi, midi à 15h. Dernière fois, cette semaine. Écoutez-la donc, rien pour voir. Le poste d'écoute, c'était merveilleux d'être avec vous. J'adore ça, faire ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye! piles of wood and live in time the best we could.